Vous écoutez C'est fou en balado-diffusion. Vous aimez ça? Visitez cestfou.ca. On s'appelle et on déjeune. Une présentation du service aux étudiants de l'UQTR. On reçoit présentement directement des studios de C'est fou, Sophie Laforêt, qui vient nous parler de trucs assez géniaux dans sa chronique Stérotonine ce matin. Bon matin! Ça va bien? Oui, ça va bien. Good. Aujourd'hui, je vous parle de Susan Vega. Je ne sais pas si tu connais Susan Vega. Exact. Et en plus, c'est ça la chanson que j'ai choisie pour... Comme que les gens disent, ben oui, on connaît ça, c'est-tu, c'est-tu le remix ou c'est elle qui chante seule? Non, c'est le remix. C'est dommage, mais y a le vidéoclip qu'ils ont fait avec ça, c'est elle qui chante seule sur le bord d'une fenêtre, puis c'est ça tout le long. Mais l'original, c'est ça, en fait. Ouais. C'est juste que là, comme sur exemple, les compilations de Susan Vega. C'est tout le temps celle qui est popularisée, c'est la version. Ben, tu sais, en même temps, je vois pas comment ça aurait pu vraiment prendre son envol dans les radios commerciales. Ça aurait été juste elle qui chante en se faisant un beat. Ouais. Finalement, c'est ça qui l'a aidé. Ouais. Donc, pour ceux qui, justement, qui se demandent peut-être c'est qui Susan Vega, ben c'est une auteure-compositrice-interprète américaine qui a commencé sa carrière en 82 à l'âge de 23 ans. Donc, ça fait déjà 25 ans que sa carrière est lancée, un peu plus de 25 ans. Mais son premier album est paru en 85, donc ça fait 25 ans cette année que ce disque-là est sorti. C'est son album éponyme. Et ce qui est intéressant de cet artiste-là, c'est que quand son album est sorti dans les années donc 85, c'était tout à fait à sens inverse de ce qui se faisait habituellement, où c'était vraiment des trucs plus éclatés. Là, c'était le New Wave qui arrivait. Puis elle est restée avec la musique folk, un peu plus justement comme ce qui se faisait dans les années 70. Mmh. Et donc, c'est ça. Fait que ses textes étaient vraiment plus introspectifs que ce qui était présenté à l'époque. Son deuxième album est paru en 87. Solitude Standing, qui était dans la même vague que le premier, justement, avec les deux tubes qu'on connaît, comme celle que tu as chantée, qui s'appelle Tom's Dinner. Tom's Dinner. Et Luca, donc My Name is Luca, etc. Et en fait, pourquoi je vous parle de Susan Vega ce matin, c'est qu'elle est à Trois-Rivières ce soir. Ah, c'est ce soir, ça. Ce soir, le mercredi 24 mars. Et en tout cas, moi, j'étais vraiment impressionnée de savoir qu'elle serait là parce que, bon, c'est une artiste d'envergure internationale. Puis habituellement, c'est comme elle va s'arrêter à Montréal, mais elle fera pas toutes les... Non, non, c'est impressionnant quand même. Villes, ouais. Donc là, elle est à Trois-Rivières, elle va être à Québec le 26 et à Sherbrooke le 27. Puis après, elle repart justement en tournée aux États-Unis et en Europe. Donc, quand même. Elle s'arrête à Trois-Rivières et j'ai la chance de pouvoir aller la voir ce soir. Je suis vraiment chanceuse, je le sais. Ouais. Je vais vous en reparler, mais je suis vraiment énervée parce que c'est comme une artiste que j'ai tout le temps aimée. Mais je sais pas pourquoi, je serais peut-être pas nécessairement allée la voir à Montréal parce que je le fais souvent, là, les retours en tout cas à Montréal. Puis là, j'étais vraiment contente de me dire, elle a trop bien. Fait qu'on va entendre l'extrait de Tom's Dinner, comme ça vous allez reconnaître Susan Vega et après on continue d'en parler un petit peu. Good, donc on va entendre ça dans le cadre de Stérotonine avec Sophie Laforêt. On s'appelle et on déjeune jusqu'à 9h, restez les nôtres et voici maintenant Tom's Dinner de Susan Vega. Directement dans vos oreilles. Sitting in the morning at the diner on the corner. I am waiting at the counter for the man to pour the coffee, and he fills it only halfway. And before I even argue, he is looking out the window at somebody coming in. See you, says the man behind the counter to the woman who has come in. She is shaking her umbrella, and I look the other way as they are kissing their hellos, and I'm pretending not to see them, and instead I pour the milk. There's a story of an actor who had died while he was drinking. It was no one I had heard of, and I'm looking inside, does she see me? No, she does not really see me, 'cause she sees her own reflection. And I'm trying not to notice that she's hitching up her skirt, and while she's straightening her stockings, her hair has gotten wet. The morning, as I'm listening to the bells of the cathedral, I am thinking of your voice. Le son de mon enfance. Le son de ton enfance? Ouais, ouais, il me semble. C'est, ben, tu sais, pas tant la pièce comme telle, mais la musique, tu sais, le remix, il me semble, ça fait très, très. C'est année 1987. 87, cette pièce-là, ouais, ouais, exactement. Tu vois, le remix, ça fait à peu près le même temps, là, puis il me semble, ça sonne vraiment, vraiment comme quand j'étais ticu. Ouais, la formation. Quand on était ticu les deux, là. Parce qu'on a, ouais, moi, j'étais pas vieille, âge. Là. Mettons, à 87, je dirais pas, mais bon. le remix, c'est DNA, qui est une formation hip-hop qui a repris donc cette pièce-là qui était originalement a cappella par Suzanne Vega. Et comme tu le mentionnais, son vidéoclip, elle était à côté d'une fenêtre. Puis elle bougeait pas. Et elle bougeait pas et elle faisait des t-t-t-t-t-t. Mais tu sais, c'est une très jolie femme en plus, que ça aidait au vidéoclip. Elle était pas obligée de rien faire. Mais. Ah, mais non, mais ouais. C'est ça. C'est ça qui arrive quand t'as du talent puis que t'es moindrement jolie. donc, c'est ça. Cet extrait-là est tiré donc de son deuxième album, Solitude Standing, qui est paru en 87. Et donc, il y avait cette pièce-là qui a été popularisée, donc qui a fait connaître Suzanne Vega. Puis si je poursuis un peu sa discographie, donc son troisième album s'appelle Days of Open Hand. Ensuite, un autre album qui a été marquant en fait dans sa carrière, c'est 99.9 Fahrenheit Degrees. Et les deux albums que je viens de nommer, en fait, ça a été un changement de style pour Suzanne Vega avec des arrangements beaucoup plus expérimentaux. Donc, elle s'est lancée vers des trucs un peu moins conventionnels et ça a été une bonne chose parce que c'est souvent les pièces que je préfère de Suzanne Vega. Ensuite, le cinquième album, Nine Objects of Desire. Le sixième, Songs in Red and Grey. Et son septième album, Beauty and Crime. Et donc, là, présentement, ce qui arrive, c'est que pour sa tournée, elle va faire un concept pour son spectacle, qui est le concept d'un album qu'elle a fait paraître le 9 février dernier. C'est qu'elle va faire paraître prochainement quatre albums acoustiques, donc voix et guitare acoustique seulement. Et le premier album s'appelle Close Up Love Songs. En fait, les quatre albums vont s'appeler Close Up. OK. Et là, le volume 1 s'appelle Love Songs. Donc, elle a mis les chansons qui traitaient plus d'amour sur cet album-là, qu'elle reprend de façon acoustique. Et il y aura justement volume 2, 3 et 4 avec des thèmes. Je sais pas ce sera quoi les autres thèmes. Et j'ai entendu ça, c'est vraiment très bien fait. Donc, aujourd'hui, on n'entendra pas d'extrait, mais je vous invite à découvrir ce plus récent album. Et tu sais, des fois, quand on se fait dire justement, bon, est-ce que vous connaissez Suzanne Vega? Non, bon, mais sa carrière a commencé en 83. Ouais, là, les même. Gens se disent, bon, j'ai tout le temps rattrapé, elle a 7 albums en carrière. Mais aujourd'hui, je vous propose une de ses très bonnes compilations qui s'appelle Retrospective. Yeah! Qui est parue en 2003. C'est et Best c'est of bien. Suzanne Vega Retrospective. Ouais, mm-hmm. Exact. Elle ouais. est sur son lit avec sa guitare et sa petite coupe toupette carrée. Mm-hmm. Et donc, c'est ça, c'est vraiment une bonne compilation. Vous allez avoir vraiment une très bonne idée de sa carrière et vous allez en plus vous dire, est-ce que j'aime Suzanne Vega? Si c'est le cas, ben ensuite, là, on peut retourner chercher les albums qui nous intéressent. Mais c'est parfait, ça. C'est bien parfait. Donc, je vous rappelle qu'il reste des billets ce soir au Cégep du Théâtre de Trois-Rivières. Donc, elle va être là à 20h. Et sinon, à Québec, le 26 mars et à Sherbrooke, le 27 mars. Sinon, vous pouvez aller la voir aux États-Unis et en Europe par la suite pour ceux qui aiment voyager. Ah oui, je vais aller la voir en Europe. Ouais, attends, ouais. Pourquoi pas? Bah oui. Et là, je vais vous faire entendre un extrait moins connu cette fois-ci parce que c'est ça notre mandat assez fou, pas de vous faire jouer ses hits avec DNA qui fait des remixes, mais bien de vous faire connaître d'autres titres. Donc, on va entendre la pièce Left of Center de Suzanne Vega. Et là, je vais vous dire, ça te dérange pas, je vais vous dire de quel album ben originalement oui. c'est tiré grâce à mon petit feuillet justement de cette... C'est ça qui est le fun avec des CD, tu sais, parce que si ça aurait été des MP3, on l'aurait jamais su. On l'aurait jamais su. Mais non. Donc, c'est tiré de 1986, donc c'est son album. Ce serait son album éponyme, Suzanne Vega. Et son premier album. Puis son premier album en 85 et le suivant en 87. Donc, je sais là, ouais. qu'elle a été écrite en 86. Donc, ah, mais ça serait, ben, pour 87, un ouais, ouais, c'est ça, exactement. Solitude Standing, voilà. Et bien, on s'en va entendre ça dans le cadre de Stérotonine, Sophie Laforêt. Et on s'appelle Léon Desjeunes jusqu'à 9h. Suzanne Vega est sur les ondes de C'est fou. Et prenez toute cette phrase-là et faites-en une cohérente avec tout ce que j'ai dit. OK, voilà. If you want me, you can find me left of center off of the strip. In the outskirts and in the fringes, in the corner, out of the grip. If you want me, you can find me left of center, off of the strip. In the outskirts and in the fringes, in the corner, out of the grip. When they ask me, what are you looking at? I always answer, nothing much, not much. I think they know. On s'appelle Léon Desjeunes de 7h à 9h le matin du job, job, bar. On s'appelle Léon Desjeunes le matin... On s'appelle Léon Desjeunes le matin du... On s'appelle Léon Desjeunes, c'est d'ADEC. On s'appelle Léon Desjeunes, c'est de l'actualité nationale et équitérienne, de l'insolite, des chroniques, de la musique émergente et une dose de bon sens. Sans frais cachés et sans contrat, encore mieux, c'est gratuit. On s'appelle Léon Desjeunes tous les matins du lundi au jeudi de 7h à 9h sur les ondes de C'est fou 89.1 FM. Une présentation du service aux étudiants de l'UQTR.